Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Ratto, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Nous sommes très très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle saison en direct du Millennium de l'île d'Abo. Ce soir, c'est une légende que nous recevons. Non, Francis, je ne parle pas de toi, mais de notre invité. Ah mince, alors j'ai cru que c'était moi. Bon, et oui, Cédric, une légende qui tout de même a fait l'histoire du rock sur la région et bien au-delà. Et depuis les années Ganafoul, et oui, Jacques Bon, c'était aussi Ganafoul, eh bien Jacques en solo, en duo, et ici en trio ce soir, est coiffé toujours de son éternelle casquette de marin, même si on l'a vu tout à l'heure avec un chapeau de paille. Là, il a sa casquette de marin, il sait rebondir de rock en blues pour notre plus grand plaisir. C'est aussi un ami qui nous fait le plaisir de venir nous présenter chacune de ses sorties d'albums. Ce sera le cas ce soir, puisqu'en trio, il vient nous présenter ce Standing Rock qui porte si bien son nom. Mesdames et messieurs, sur la scène du Blues Café, je vous demande d'applaudir Chris Michel à la basse, Rudy Rosselli à la batterie et l'immense, l'immense Jacques Bon au chant et à la guitare. To you, I feel the cherry red lips. I feel your rolling hips. Oh, I need a tenderness. I need to send some sweet caress. You tell me words that I long to hear. I feel emotions last for years. For such a long time, I've been traveling on. One another. Let's get it. Bon, on va faire des petits passages de deux morceaux par-ci, deux morceaux par-là. Ça s'appelle « Days Are Gone So Fast ». Days are gone so fast. Days are gone now. Days are gone so fast. Oh, I never look back. I never look back. I am no slave to the past, but days are gone so fast. He's walking proud, talking loud, ready to turn the world upside down. He didn't know that everything was bad. Sometimes he will sadly realize that days are gone so fast. Oh, gone, gone now. Days are gone, days are gone. Days are gone so fast. Well, let it dreams come true, having a lot of good times, for sure. But at times made up my mind, don't go my way now, like I did before. But it's so good to be alive. Oh, sometimes I sadly realize that days are gone so fast. Yeah, gone. Days are gone, days are gone. Days are gone so fast. Oh, gone, gone. Days are gone, days are gone. Days are gone so fast. Jacques Bon, mesdames, messieurs, il est notre invité ce soir dans le Blues Café Live. On est très heureux de l'accueillir dans cette salle pleine du Millennium et on remercie tout le monde d'être venu pour cette grande rentrée. On est très heureux de te revoir ici, Jacques, toi qu'on identifie souvent comme le Lyonnais de l'étape et pourtant il paraît que tu es parti t'exiler au fin fond de la Bourgogne. Dans un coin perdu en plus. Hein. Dans un coin perdu, comme ça... Personne ne peut me retrouver. C'était pour qu'on te... C'est loupé. C'était pour qu'on ne te retrouve pas, c'est ça? Tu as essayé de fuir l'équipe du Blues Café, mais on t'a retrouvé. Non, non, avant le Blues Café, j'ai quand même une vie personnelle bien à moi. Donc je suis parti de la grande ville, je me suis installé à la campagne, ouais, entre chèvres et moutons. Envie de verdure et de calme? Beaucoup de calme surtout, j'ai besoin de calme. Voilà. Parce que j'ai une petite nature... À deux versants, un côté un peu plus noir, donc il faut que je le, le rabaisse. En tout cas, dans ta région maintenant, où tu habites, c'est-à-dire du côté de Paray-le-Monial, hein, pas très loin de Roanne, ça tombe bien parce que dans un instant, d'ailleurs, on parlera avec Robert Bietron, qui est là avec nous, d'un festival qui démarre. dans ta région et qui se trouve à deux pas de ta maison perdue. Impossible d'échapper au blues, tu vois, Jack. Hein. Alors, c'est ton quatrième album, on le disait tout à l'heure. Quatrième album sous ton nom, puisque évidemment, on pourra reparler de cette belle et grande carrière avec Ghana Fool. Ce nouvel album s'appelle Standing Rock. Pourquoi ce nom ? Une fois, je regardais la télé et j'ai vu un reportage donc, sur Standing Rock, qui est un haut lieu de la résistance des Indiens contre le saccage de leurs terres. Alors je me suis déjà dit que c'était un bon titre de chanson ou d'album. Et puis c'est une cause qui m'intéresse aussi. Donc, alors, puisque l'album est aussi un peu plus rentre-dedans que les autres. Voilà. Les trois précédents portaient le nom de Slim Combo. Dorénavant, c'est le Jack Bon Trio. Tu nous fais un peu tourner la tête, là. On a du mal là-dessus. C'est un nouveau plan marketing ? Je ne pense pas, mais on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à prononcer le nom du groupe. Alors, je ne sais pas, un coup c'était Jacques Bon, Blim Trio, on a dit Combo, on a fait Jacques Bon Trio, ça sera plus simple à retenir. Hein. C'est un projet qu'on a commencé déjà il y a 4 ou 5 ans, hein, avec Christian Michel à la basse, on avait un autre batteur, Laurent Falso, maintenant c'est Rudy qui est avec nous. Oui, Rudy, Roselli à la batterie percutante, hein, d'ailleurs, c'est un petit changement, mais pourquoi ? Vous savez, les groupes, c'est un peu comme les histoires de couple, des fois... T'en as l'expérience. J'en ai un peu l'expérience, il y a des histoires internes, donc, et puis à un moment, l'aventure est finie, chacun a repris sa route, et on a trouvé Rudy, justement à Rouen, un soir où je faisais le zigoto dans un bar musical, j'ai rencontré Rudy. Voilà. Tu n'as pas quand même quitté Lyon vraiment, parce que pour cet album a été enregistré, je crois, à la Croix-Rousse, tout à fait. Ton quartier de cœur. Ouais. Dans quel studio ? Tu peux nous parler un petit peu de... C'est un truc minuscule, qui s'appelle le 8PM, mais qui est tenu par Gégé Millet depuis plus de 30 ans, où quand on rentre là-dedans, on a en fait tous les albums enregistrés par les groupes lyonnais depuis une trentaine d'années. Moi, j'ai fait pas mal de trucs chez lui. Et donc, pour ce retour aux sources un peu plus simple, on a dit c'était bien d'aller voir Gégé. Il y a un petit retour au son de Ghana Fool, en fait, un petit peu sur ce nouvel album Standing Rock. C'est un album qui est enregistré live, en fait. Hein. Il y a très peu de ce qu'on appelle ça. On remet des pistes dessus et tout ça. Non, c'est un peu le son qu'on a cherché à avoir sur disque, le son qu'on avait sur scène. On parlera tout à l'heure de quelques-uns, justement, des titres de cet album, mais d'ores et déjà, on sait qu'il y a 10 compos et 2 reprises. Pas de morceaux acoustiques, donc cette fois-ci, une envie quand même, tu viens de le dire, peut-être de muscler l'album, de revenir un peu aux sources. Voilà, et puis d'arriver à jouer sur scène ce qu'on a enregistré sur le disque, parce qu'on voyait beaucoup de gens qui nous voyaient sur scène, le groupe a une certaine énergie, et ils ne la retrouvaient pas dans le disque. Et peut-être que dans les disques qu'on a fait avant, on essayait peut-être un peu d'arranger les choses, finalement, ouais. Ce qui est le plus simple et des fois le plus efficace. Et pourquoi ne pas avoir fait carrément un disque live ? Tu as fait peu ou pas de disques live, d'ailleurs ? C'est vrai ? Peut-être deux avec Ghana Fool, ouais. Oui, c'est très rare. Bon, après, le disque live, il faut que le groupe soit au maximum de son truc. Là, on avait des chansons. Vous savez, quand on a des nouvelles chansons, on ne les sort pas comme ça, même on n'arrive pas à les enregistrer tout de suite. Il faut faire un peu des maquettes, il y a quand même un travail. Alors, on s'est penché sur ces nouvelles chansons pour les faire sonner comme on avait envie qu'elles sonnent. Alors, il y a aussi des invités sur cet album, j'aimerais bien que tu nous en parles. Jimmy Barbiani, Lino Muio, hein, il joue de la mandoline, si j'ai bonne mémoire, c'est ça ? Et Luc Blackstone, qui joue de la basse, mais d'autres choses aussi. Hein. Qui joue très bien de la basse et qui chante très bien et qui a fait les chœurs. Et puis alors, nos deux autres invités, c'est des Italiens... Nourris au spaghetti à la pizza, il y en a un, c'est un maître de la mandoline et l'autre c'est un maître de la slide guitare. Voilà. Tu les connais d'où ? Eh ben, c'est par les connexions qu'a notre manageuse Isabelle qui fait tourner les groupes de ces Italiens qui sont vraiment des groupes intéressants. De la mandoline sur un disque de rock, c'est assez original. Oui, oh ben c'est sûr, on a fait ça sur une balade, hein. La version de Saturday Night, hein, avec sa mandoline. Alors justement, j'allais y venir, c'est une bonne transition, Saturday Night, de Ghana Fool, qui est repris sur cet album. Pourquoi avoir eu envie de reprendre cette chanson qui, je crois, est assez culte pour tous les fans de Ghana Fool. Je pense que dans la salle ici, on ne va pas me contredire. et qui doit bien avoir peut-être plus d'une quarantaine d'années à ce jour. Ben, on l'a toujours, moi je l'ai joué tout le temps sur scène avec différents groupes et avec le trio, on la joue vraiment à tous nos concerts. Et on la joue d'une façon un petit peu différente, donc on a pensé que c'était bien de la reproposer avec cette un peu une nouvelle version. Voilà. On reparlera tout à l'heure un peu des compositions, il y en a 10 sur cet album, mais je voulais revenir sur une autre reprise. Je crois que tu es très fan de Dylan, et justement tu reprends un morceau de Dylan, Absolutely Sweet Mary, définitivement une grande référence, je crois, pour toi, Dylan. Ah bah c'est... Est-ce oui, que c'est pas la première fois que tu reprends Dylan ? Non, je joue beaucoup de chansons de Dylan, bah parce que j'aime bien les chansons en fait. J'aime bien faire des reprises parce que j'aime bien jouer les bonnes chansons. Des fois, ça peut paraître un peu prétentieux de jouer ses propres compositions, mais jouer une très bonne chanson pour un musicien, c'est un sacré exercice. Et Bob Dylan, un avantage, c'est que tout le monde peut interpréter à sa façon les chansons de Dylan. Voilà. Mais tu n'es pas tout le monde, Jacques. Oh, je ne suis qu'un pauvre petit gars des pentes de la Croix-Rousse, vous savez, je ne suis pas du tout plus maintenant, américain plus ou maintenant. Tout ça. Hein. Il y a George Harrison aussi qui avait repris, hein, je crois, ce titre, Absolutely Sweet Mary. Est-ce que tu l'avais écouté avant ? Quand tu fais une reprise comme ça de Dylan, tu t'inspires de l'original ou tu écoutes aussi différentes versions ? Je suis très inspiré d'une version qui a été faite par... Il y a deux groupes américains qui ont fait des versions de ce morceau, les Flaming Groovies tout d'abord, oui, et oui, ensuite d'accord. Jason and the Scorchies, qui sont vraiment dans la même veine, vraiment rock'n'roll. Donc c'est cette manière d'aborder la chanson que j'ai repris. En tout cas, tu as, je pense, ce goût des mots qui peut te rapprocher de Bob Dylan, et aussi ce goût des mélodies. On l'a vu dans les deux morceaux que tu as joués. Et sur cet album, il y a des vraies mélodies, il y a des morceaux qu'on a envie de chanter sous la douche. C'est vraiment quelque chose qui est important. Oui, j'aime bien les chansons. Je pense que, je ne sais pas si vous regardez un groupe comme Status Quo, par exemple, qui est vraiment un groupe de boogie, hein, c'est le rythme. Mais... Status Quo joue d'une façon très simple, mais c'est toujours des belles chansons qu'il fait, hein, qui font. Alors il y en a qui sont très rock, il y en a où il y a beaucoup de mélodies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les chansons. Quand j'écoute un titre, j'aime bien me raccrocher à un couplet, à un refrain. Je trouve que c'est une bonne base de départ, quoi. On va faire une petite pause musicale, puisque dans cette émission de radio, on aime bien aussi aller explorer un peu les nouveautés blues et un petit peu ailleurs. D'ailleurs, c'est le cas avec cet album, qui est vraiment un album magnifique. C'est un groupe qui s'appelle Del Grez. L'album s'appelle Mot Jody, et justement, je crois que ça va te plaire. C'est un trio assez particulier, puisqu'il y a un chanteur-guitariste, il y a un batteur, et il y a un joueur de sous-bassophone. Donc c'est très visuel, c'est très sympa. Antillais aussi, en partie. Et voilà, ils font le pont entre le blues et la musique antillaise. On écoute Can't Let You Go, juste avant de retrouver Jack Bontrio sur la scène du Blues Café Live. Bouchons-moi qu'à parler, bouchons-moi qu'à parler. Mais tiens-moi qu'à dire un dobitin. Bouchons-moi qu'à parler, bouchons-moi qu'à parler. Et moi, vais pas waler, moi, vais pas waler. Non. I see yes, but Hernandez à l'instant avec Can't Let You Go. Et on retrouve tout de suite sur la scène du Blues Café Live et sous les applaudissements du public, Jack Bon Trio. Merci, merci. Bon, cette nouvelle chanson qui est tirée du nouvel album s'appelle Another Friend Is Gone, un autre ami est encore parti. On l'a dédié tout particulièrement à Bernard Antoine, le batteur du Gana Fool qui nous a quittés il y a quelques mois, et à mon ami Nenes l'Espagnol. Another friend is gone. Yeah. tell you life is a long big fight. Yeah, life is a long big fight. Well, you fight to survive, you fight to get your rights. When you're a low class guy, life is a long big fight. Dream about just this. Oh, what a beautiful dream. When I woke up feeling good, oh, the world was still laughing at me. Oh, people get less and less, a few get more and more. For 7 years in the same old song and dance. How can we get out? Nous sommes ici en direct du Millennium, c'est à l'île d'Abo. Et on vous donne rendez-vous tous les mois pour le Blues Café Live. On retrouvera Jack Bon Trio qui est sur la scène dans quelques instants. Le temps pour nous de donner la parole à deux organisateurs de festival. Un à Rouen, c'est le Rouen Blues Festival. Et on va également parler de la Rocking Gun Party dans un autre style avec Michel. Et le Rouen Blues Festival, eh bien, nous accueillons notre ami Robert Bietron. Salut. Salut. Alors, merci de m'accueillir. Je dis notre ami et même collègue parce ouais. que nous nous connaissons depuis pas mal d'années ouais. et tu as fait très très longtemps une émission de blues à Vienne. À Vienne, sur Croc sur, Radio. Ouais. Voilà, sur Croc Radio. Donc tu es, bah, t'es un frangin du micro. Et j'ai fait partie du CRB, le collectif et des radios blues, que tu as longtemps présidé. Oui. Et que tu continues à vice-présider, je crois. Oui, exactement. Alors, Rouen Blues Festival, Rouen, c'est pas si loin que ça déjà, mais c'est la première édition. Alors, comment est née cette folle idée ? Eh bien, au départ, il y a une association qui existait déjà, la CMM, qui est une association, ça veut dire Association pour la Culture et la Musique du Monde. Ils organisent déjà des concerts dans différents styles. Et puis, ben, quelques passionnés du blues, et puis ça démarre comme ça. Alors, en fait, moi, j'ai pris le train en route. C'est le président de l'association, Patrick Vidil, qui est un gars qui est à fond dans la musique, qui est lui-même un très bon guitariste, a eu cette idée de lancer le premier festival de blues à Rouen. Il y a beaucoup de musique à Rouen. Rudy, le batteur de Jack Bon, peut en témoigner. Il y a beaucoup, beaucoup de musiciens à Rouen et il n'y a jamais eu de festival de blues. Donc il était temps. Il était temps, il fallait lancer ça et on espère que ce sera suivi de nombreux autres festivals. Alors, cette première édition a lieu du 12 au 13 octobre. Voilà, c'est le vendredi et le samedi, ouais. Un festival qui met à l'honneur essentiellement des groupes français. Voilà. C'est bon à signaler. Oui. En plus, vous les connaissez bien, puisque Sophie Malbec animera sera la vedette de la soirée du vendredi et Manu Lanvin le samedi. Ils sont passés tous les deux ici. Hein, ah ben, non seulement ils sont passés, mais Manu a un abonnement c'est ça. Annuel au Blues Café, puisqu'on le reverra bientôt, au mois de novembre. C'est ça, je sais qu'il revient. Ouais. Il a open bar dans la maison. Ouais, ouais. Et donc, en première partie de Sophie, l'idée de mettre des extraits du film Born to be a Bluesman, d'une équipe de Stéphanois, de Thibaut Degros. Donc, il y aura en première partie le film qui parle de la vie de certains bluesmen, dont Sophie Malbec, Neil Black, etc. Et puis, en première partie de Manu Lanvin, il y a un duo rouennais qui s'appelle le Silverton Duo. qui est excellent, excellent, un guitariste, chanteur et un harmoniciste qui saute dans tous les sens et qui est vraiment très très bon. Donc ils vont animer la première partie de Manu Lanvin le samedi. Et puis ben, Manu Lanvin qui est, à mon sens, j'adore ses albums, mais en plus je trouve qu'en live, oui, il est showman. Fabuleux. Ah, c'est un showman. C'est un showman, c'est un showman façon, absolument. Ouais. Alors on peut rajouter qu'on peut manger, on peut boire, puisqu'il y a des joies qui arrivent. Voilà, des... Alors, pour les repas, il faut retenir, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Poulet cajun, surtout si je passe avant carnet, les autres. Oui, surtout si tu passes avant, d'accord. Et il faut retenir pour les repas, sinon il y a le site donc, de la CMM. Il suffit de mettre Rohan Blues Festival. Exactement. Et vous allez dans un avoir, moteur de recherche, voilà, on aura il y a tout, un teaser, il ouais. y a tous les renseignements dont vous avez besoin. ACMM-concert.com. Voilà, merci voilà. Cédric. Donc le Rohan Blues Festival, vendredi 12 octobre, Sophie Malbec, et samedi 13 octobre, Manu Lanvin avec une première partie, Silvertone Duo. Voilà, c'est à la salle Fontalon, Rohan, dans la région. Moi, j'ai vécu longtemps dans la région. Les gens ne savent pas trop le situer, c'est pas loin. Vous sortez, c'est juste à côté. Non, c'est à 1h15, 1h30. Oui, c'est très bien. Et la salle est facile à trouver. C'est entre la patinoire et la salle de basket. Ça s'appelle la salle Fontalon. Vous trouverez facilement. Merci voilà. Robert. On va parler d'un autre festival avec merci. Notre ami Michel Petit, que l'on surnomme entre nous Michael Small, et ça depuis quelques années. Très beau festival qui existe également depuis très longtemps. Depuis combien de temps la Rock Gun Party? C'est la 15e année. 15e année, ça a lieu à Saint-Rambert-d'Albon, c'est dans la Drôme. C'est limite de la Drôme et de l'Isère, c'est à 25 km au sud de Vienne, c'est pas loin, sortie de l'autoroute Chanos. Et ça a lieu le 17 novembre, est-ce que tu peux nous dire deux mots du projet et de la programmation? Ben, c'est un festival de musique américaine des années 50, donc on peut dire large, c'est pas que rock'n'roll. Donc ça va du blues, rhythm and blues, western swing, country, rockabilly, rockabilly plus sauvage, rock'n'roll, quoi, 50s. Et donc il y a 5 groupes au programme. L'après-midi, un concert gratuit dans un bar, c'est pour l'apéro, avec les Rockin' Daddies, un groupe de Saint-Étienne, qui est rockabilly. Et le soir, dans la salle, il y a 4 groupes. Donc il y a un groupe de blues, rhythm and blues, qui ouvrira la soirée, c'est un groupe de la région parisienne, c'est The Red Rooster. Ensuite, il y aura un groupe plus donc hillbilly country, roots music, country blues, qui vient de Louisiane, directement de Louisiane. Todd Day, Wet Pigeons. Et ça sera la date unique en France. Ensuite, il y aura... Des Belges, que j'adore. Non, ça sera Crazy Cavan. Ah oui. Bah, dans l'ordre, je dis dans l'ordre de la soirée. Ouais. Qui est, disons, le groupe phare du revival rockabilly des années 80 en Angleterre et qui a propulsé tout le mouvement revival. Alors, la Rockin' Gun Party, c'est bien sûr tout ce qui tourne autour du rock'n'roll. Tu viens de le définir, country, hillbilly, etc. Mais c'est aussi une fête. Pour y avoir été quand même plusieurs fois, ça danse. Il y a des looks incroyables aussi, avec des belles bananes et plein de choses. Il y a des voitures, souvent. Il y a des voitures, je ne sais pas s'il y en aura cette année. Si, il y a des voitures. Bon, il y a des stands, donc tout ce qui gravite autour, c'est disques, fringues, bibelots années 50. Puis c'est vrai que de toute façon, le rock'n'roll, les années 50, c'était l'insouciance, c'était la fête. Et ouais, l'esprit est resté tel que dans les concerts rockabilly. Quoi. Ouais. Bah, disons... Style années 50. Et on ne payait pas à l'époque, donc je pense que c'est la même chose maintenant. Oui, presque. Presque. Voilà, ça s'appelle la Rockin' voilà, Gun Party. Puis juste le dernier groupe, on l'a pas dit, c'est les Wild Ones. Les Wild Ones, qui était un groupe phare des années 90. Et j'adore. Qui est remonté depuis 2-3 ans sur la scène. Voilà. Et ça, on est très fans. Rock'n'roll, donc, des années 50, la Rockin' Gun Party, le 17 novembre 2018 à Saint-Rambert-d'Albon. Et toutes les infos sur www.rockarocky.com. Voilà. Merci Michel d'être venu. Merci beaucoup. Avant de retrouver Jack Bond, nous allons écouter Sweet Scarlett avec Sell Your Ticket. I'm gonna keep the stop. No orders, I'm taking down. I'm gonna check in a tone that I choose. My oldest friends, I'm gonna check that out. My body's living the lead you move to. My pastor's in, I'm gonna sing a song. Run the panel, we stop the sound. The world is just still taking down. Sweet Scarlett, c'est un très très bel album, c'est un groupe français et on vous invite vraiment à le découvrir. On est à nouveau avec Jack Bon pour parler de ce Standing Rock avant de l'entendre encore une fois sur scène. C'est un album qui s'ouvre sur un titre qui est assez touchant, qui s'appelle Long Big Fight, une lutte longue et sans merci. Est-ce que c'est un petit peu ton parcours? C'est autobiographique ce titre? C'est un peu ça, oui, vu que je suis issu des masses populaires. Pour avoir sortir un peu de mon environnement et aspirer un peu à mes rêves, il a fallu se battre un peu. Oui, oui. C'est pas tout cuit comme certains qui peuvent naître comme ça, mais tant mieux pour eux. Hein. Et quand on a fait autant de choses que toi, cette carrière avec Gana Full, tu nous disais tout à l'heure, pendant le moment du repas, que tu avais partagé quelques bières avec Bon Scott, d'ACDC. Quand on sort un album comme ça, c'est quoi ces rêves? Ben écoute, le rêve, c'est d'arriver encore à enregistrer des disques. De faire des chansons, de se produire sur scène encore assez longtemps. Quoi. Le temps est court, il faut vivre l'instant. C'est ce qu'on fait chaque fois qu'on est sur scène. Voilà. Et chaque fois qu'on essaye de mener au bout un nouveau projet. Voilà. Alors, dans cet album, il y a deux chansons. J'ai l'impression que ce sont des chansons hommages à des personnes qui ne sont peut-être plus là. Il y en a une qui s'appelle Good Loving Mama, donc j'imagine, Mama, que ça te touche vraiment de très près. Voilà. Et puis l'autre s'appelle Another Friend Is Gone. Ouais. Et je pense que là, ça touche aussi une amitié. Tu peux nous en dire un petit peu plus? C'était un type qui s'appelait Patrick Menanti, qui était dans l'aventure Gana Full depuis le début. C'était notre manager, notre road manager. Après Gana Full, il a fait pas mal de choses. Il a tourné avec Nina Hagen, avec Téléphone, avec Goldman, toujours s'occuper des plateaux de ses artistes à travers le monde. Mais il a un peu grillé sa vie. Et il est parti, je crois, en mai dernier, non ? Qui avait plusieurs facettes, comme beaucoup d'entre nous. Un très brave type, mais quand il montait dans les tours, c'était un petit peu un voyou. Et il a un peu brûlé sa vie comme ça. Mais il se trouve qu'un autre ami est parti. Tous les jours, il part des amis et la liste commence à se faire un peu longue. Donc, chaque fois que moi je joue ce morceau, je pense à des moments que j'ai passés avec un tel ou un tel. Alors, on parle de sentiments dans ce disque. On a l'impression que tu te mets un peu à nu sur cet album. On parle même d'amour avec le titre « The Day You Left Me ». C'est une jolie balade, pleine de nostalgie. Ouais. Il y a également le Let's Get In Iron, plein d'amour. Tu es un rocker au grand cœur. Bah comme dit Eddie Mitchell, dans le rocker, il y a aussi le bon cœur. Hein. J'ai ce côté aussi, il me semble. Et puis, le blues, tout ce qu'on joue, hein, c'est tout dérivé du blues qui est là depuis les années 1920. Hein. Je ne refais pas de nouveautés, je puise dans un paquet de racines. Hein. c'est quand même le sentiment qui est à la base de tout, hein, le feeling, on appelle ça. Mmh. Voilà. Il y a un fantôme aussi, quelque part, dans un titre. J'aimerais bien savoir ce que c'est que ce fantôme ou un haillon que tu as croisé un jour en rentrant chez toi. Un fantôme sans nom, sans visage, dans ce morceau « It could be you, it could be me », ça veut dire quoi tout ça ? Ce fantôme sans nom, sans visage, que personne regarde, habillé en haillon, c'est le mendiant qu'on peut voir à chaque coin de rue, quoi, hein, c'est ça. Alors, ça pourrait être moi, mais ça pourrait être toi aussi, un jour ou l'autre. Hein, donc peut-être c'est une chanson un peu pour demander un peu de compassion, de choses comme ça. Il faut un peu voir un peu plus loin que le bout de son nez, ou même de nos jours, de ses frontières, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, le débat sur les migrants qu'on a beaucoup eu ces derniers mois, c'est quelque chose qui a pu t'inspirer, ce texte ? Mais oui, j'ai même écrit une chanson, j'espère en faire un jour à la faire, là, sur ces gens qui quittent tout, quoi. On ne quitte pas son pays par plaisir, on ne quitte pas sa famille par plaisir, on ne va pas chercher du travail à des milliers de kilomètres par plaisir. Enfin, il y a un grand problème. Après, moi, je reste un musicien, c'est-à-dire... J'anime vos soirées, j'espère vous faire oublier vos soucis comme j'oublie les miens quand je joue de la guitare, voilà. Jacques Bon, cet album s'appelle Standing Rock, on le trouve un peu partout, en tout cas sur les concerts que tu joues, à droite et à gauche. C'est un bel album, nous, qu'on a aimé, parce que vraiment authentique, sincère, retour à tout ce que tu aimes. Le rock, le fond de blues, quelques références, des jolis textes aussi, parfois une belle musique, et peut-être même que tu vas nous faire le plaisir de revenir sur la scène du Blues Café. Voilà, on va faire ça avec Christian Michel et Rudy Rosselli. Merci. Jacques Bon. When I look at the picture on the wall, I say to myself, I love your mom. Close to mine. Oh, you- thing. But in my flesh and blood I get traces of you. A deep blue feeling. Did too much talking now. Anyway, side by side in silence like the day. The day you left me. Said before, have you heard them in my prayer? The day you left me. Se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Voilà, c'était le Blues Café live de Monsieur Jack Bon et son trio. Vous inquiétez pas, restez sur scène mes amis. parce que le public du Blues Café est exigeant et je pense pas qu'il va vous laisser partir comme ça. On remercie toute l'équipe du Millennium. Un grand, grand merci à Jack Bon. Et on se retrouve, nous, Francis, le mois prochain. Nous recevrons Rico and the Escape. À très bientôt. On laisse la scène à Jack Bon Trio pour un dernier morceau. Rendez-vous sur notre page Facebook et sur le www.bluesactu.com. Ciao, ciao. Un petit rock'n'roll pour le faire, pour finir. Ça s'appelle Boogeyman, Rock'n'Roll Singer. Donc c'est sur le dernier disque, vous pourrez le trouver à l'entrée. Je crois que c'est notre ami Isaac qui le vend. Hein, c'est encore dans un format matérialisé, vous pouvez coincer un meuble au cas où avec. Hein, Boogeyman, Rock'n'Roll Singer. Son, do you know what you're gonna do, my pretty little boy blue? Do you wanna be a doctor, an Indian chief, a policeman, a sinner, a preacher, or a fireman? I said no, no, no, mama, I wanna be a boogeyman, yeah. Supporter, hein, super. Jack Bon Trio.